Je bosse, toi tu n'es pas taille. Get up le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy. Laisse nous faire la zik. Je bosse, toi tu n'es pas taille. Get up le son, vas-y tweet. Si t'as peur du vide, dégage boy. Laisse nous faire la zik. Dis-moi si elle est condée. J'ai plus sûr qui compter. Marre de vagabonde. Ah, vagabonde. Megiwala, Megiwala. Megiwala, Megiwala. Megiwala, Megiwala. Si ça marche pour toi, t'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville. Ça marche pour toi. Entre les deux, c'est les vélis. Y'a grave le choix. Pour pas aller dîner, le petit garçon déploie ses ailes pour s'envoler. J'suis que passage, y'a vraiment pas de quoi s'affoler. De Shinsekai, tu connais. La Jume qui m'attend, t'en veux encore. Aussi convaincu que cette putain de boîte à Pandore. Yeah. Si ça marche pour toi, t'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville. Ça marche pour toi. Entre les deux, c'est les vélis. Y'a grave le choix. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, ça marche pour Tal. T'inquiète, ta bande s'arrange. La vie est trop courte. J'ai pas de crêpe, que je suis old fashion. Jordan, je vole ma gueule comme Michael. D'autre part, je suis orgasmique, hors d'atteinte. Oh, ta gueule, je me tape des barres quand t'as le seum. Je porte pas plainte si je me fais fumer en tête. Je marche rein, j'ai de la lèvre dans la tête. Je kiffe quand t'as bord ma gueule. Je porte mes yeux. Shinsekai, what you been, neuvième sous le dans ta gueule. Ah. Ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche pour toi. Je vous présente Paris, ma ville. Ça marche pour toi. Entre les deux, c'est les vélis. Y'a grave le choix. Certains m'appellent le fléau, ou Mugiwara Neo. Mon son provoque la fonce. Je côtoie des gens blindés. Boss de la new generation. Je fais des sons comme personne.